Voyons quel équipe au bas. Mon inga na yon gaïté. Mon guna na yon pengaïté. Luka yon te ya yon. Mon guna na yon se yon me. Mercedes compresseur, ma petite facile à digérer. Pour la cocotte à la langue de l'île. Blaise Bonganyaï, papa Mozi, est-ce que le rédacteur en chef y a Bible Esaïe à Lobana Sotengako? Ouais. Didi Stone Laika, la petite compresseur, il obéit à Moupa Oana, Mimi Ango. Génie de la presse du Congo, Michel Ladiloya. Il y a les wagons et il y a la locomotive Grand Mopao. Toujours imité mais jamais égalé. Ah. La métropolis, Zozo Boutens, Atiko Bangé. Mana Chapo, Ange Collier, évangéliste. Et moi, t'es beau pingé. Ouais. Claudine Washington. Claudine Lonjo Kanzo Tibuyambino. Number one, you went to a man in a Batiko Tibeka, you put to my bed. Number one, oh. Ifi Manara. Number one, you went to a man in a Batiko Tibeka, you put to my bed. Bona Kaluchi. Number one, oh. Number one, yo. Kamata, anyway, okay. He disturbed and I can't breathe, anyway. And you're there. Hey, I look at all American, anyway, anyway. No, no, mango. I've been not so la way to go, anyway, Adomu Jani. Mama, yes, to go, oh, oh. Nadine, yeah, yeah. Petit capin. Dosangi my solo libo la banyanga la kaso. Dosangi mwida. Number one aye. Dosangi mukari. Ukolo wase ka woyo mwanyede vibre. Mwako na mwako ye mbazwa mana fi wangu. Malubo mboka na mo fleuri. Ye yu man sangile. Sangile. Sangile. Sangile. La reine Aminata. Merakou. Gigi Loboko. Sika Loboko. Kolo Bazala. Et ça va pas la moyauté d'Yalongwa. Togo Bimiso n'a pas fait d'entrée. Mami kama wako. Usman Kalushi. Don Piero. Yo, ojwanga na likambo. Opandi lipoma. Namoi. À Londres chez Tata Mapasa. Let's dance together. Jean-Jacques Bayonne. Le club de Braza. Consti et K. Fefe et Sauvi. Ciao. Rendez-vous à bord. Violaine Pincé, Villa Sultane et Jouissia. Soi-disant moniteur en Bonda. Quand t'as stage pas à Bana Lelo, Bana Kisayo, Bana Mike Mekosto. Salon coiffe nommé. Salon Loué. A toi, c'est vous, Bidé. A toi, là. Yahweh, Soumami Solamoki. Yahweh, Nama, parle. Dika petit na yo sabre de picho R9 l'explique bango zolosi nango. Au lobby et salé l'hôté. Sonny Ritchie Suisseur et le colonel Freddy de Zurich. Adi! Adi! Adi! Adi! Adi! Adi! Adi! Adi! Adi! Adi! Adi! Adi! Adi! Et ça nous fera histoire, y'a mis dans un papillon, tu y'a l'équipe na soso. Ah, koti la moucha wangu, vaika kutia madioko, mame ye ye ye ye. Ah, sianga yo yo. Ah, mame ye ye yo yo yo. Luku luku yo. Ah, bana matadi. Ah, mame ye ye. Papa Kerena, Ami Dougili doit la miga sedouke na mami. Ami Dougili doit la miga sedouke na mami. Ami Lolo, Ami Lolo Pemba. Y'a Derek Naroléa. Ami Lolo, allez ma fatila. Moudia Moudintima, Moudia Moudintima, Moudia Moudintima, ni bonne lenza ya Congo. Moudia Moudintima, Moudia Moudintima. Fukama, Fukama, Kolo Bazala. Yale Nanti Basiama, Kolele Yusiame, Siata Fanta Bamusio Bino, Kolele Siamani, Ravata Bamusio Bino, Kolele Yusiame. Juju Panou la Baronne. Papa ne dit-je. Et Tabé Assembe, Jacques Lominoukou, commandant Bonabo qui tout a très fort, Bado Mertens, Bavon, Jules Mwambo. Eli Lotoko. Alain Kizaza, Tony et Max Tamboué. De Castro. Benoît Vargas. Makengo, Papa Akan, Céleste Lio Dinosaur, Nao Gonda Jazz, Bob Massa, Bob Air Shop, Jean Médard Wing. Chamazolo, Chamazolo, Tika Kokosa, Chamazolo, José Nzongo, Chapien Kama, Tika Kokosa, Chamazolo, Sati Bols, Foule Noma, Junior Bellato, Ayamono Yaribo. Bombo, Henri Boiti, Albert Cheta, Vicky Mputu, Adeus Tilanda, Claude Fakana. Colado Pana Fanny, Gabin Pembo, Siméo Mayen, Tuna Bravo France de l'Or. Ouais, je dénonce Yolo Baki, mon bémo promet ta kiné, lune de miel Yola Kakiné. J'suis ce qui sera Jiringa Mouranga, la famille pauvre. Visa Magnato, Sylvie Sama, oui, le monde. Visa Magnato, Nicole Nikita, Jimmy Kara. Visa Magnato, Simon Bongo, Gode Mayenga. Visa Magnato, ah, ah, Bahila. Tobina, Tobina, Polino qui t'engue Gibi Koukou, 17 Gaulois, Pélé Gaulois, Bobini sa maman Thérèse qui t'engue. Dias, Yasunama, Ansi Soukami, Claude Njimbi, Mazé Bouloman Idéologie, Gofin Kanga. Chacho is a passage obligé. RV, épée à coup. La mama Château Rouge, Mamundele. Sekwisaka ye akoku fratel isusu amiko saki Gunter monsieur le maire yakana nzoku mawa trahison ayo boyo sama do pemba mawa jalousie ayo boyo sama mabe vite chama zulu boyo sama référence moko bonga jamais bobo te mano mabe. Qui veut la paix, prépare la guerre. Qui n'a pas sa casse sur les ya comme yon qui m'embangon à mon pépé pour pas fidèle papa. Mon aîné l'a capé, mais ça c'est rendu pas mon cœur infini. Ah, pas si saucé, si rien y'a pas de bien. Ah, t'as mangé, sous la maman allé. Et va moi casse. Sous nous en aïe, qui nous soukate. Zete Mbila, Baokata, Eukola, Baokata, Eukola. Pinocchio, Collège Albert Ier, Kololo Pemba, Sami Kimpiatu, Robert Zikianda Pako. Mawa trahison ayo, boyo sama lo pemba. Mawa jalousie ayo, boyo sama mache. Vite chama zulu, boyo sama référence. Boko bonga jamais, boko te mano mabe. Bonjour, son. Bazala qui pressé. Tu écoutes à banca la rue et la nuit. Inoki gamuzi buzoba kurata masakidi ya ya. Bapaya. Inoki gamuzi buzoba kurata masakidi. Tuya mula bana basala makino ya ya. Asukati me. Fondation Mindele na Londres. Bravo Fondation Mindele. Julie Mambwene. J.C. Songo, Guy Songo West, Belilas, ouais. Sukati me, talanga monte me, peli moto, yo mokolo baki moto, nanga sur la terre, zayo, number one, zayo, pour la vie, c'est toi, number one, chéri, chéri, chéri, kavu. Sukati me, sukati me, sukati me, awana za moto na zami na mopanga ya bolingo nazana komangali wato lobiko bona vika loba seli loba lyoko asukati me asukati me asukati me asukati me asukati me asukati me bopea bopaka tambangu wengu lubobo iba kite ah. Oui, bah mon salaire. Hey, oui, hey, hey. Mamoua Balumiana. Hey, oui, hey, hey. Tatoua Balumiana. Shikiri Dima mi mero aleye Mugia mugia kena kanga moto soko fozo tala ayo ma be ma be na le mi monyo koli ma me ala ti jambo na na lingi se boli mo ya bose mo François babali ngai ba me nga na jete na banga ka te manga te ko ya polo bi mo tu te ko bota il est qui là c'est pas vrai comme ça Jean-Claude Bouemba Kamukati Brigitte Yapontin, Banamboka. Quelle est cette belle femme qui toi c'est comme des longs J'en suis ma tête. Nazalina thermomètre n'a zéali soit mon vali. C'est Bamakaya, Dieu de Nekimuta, Banassine et bien la Djoubourg. Menga Nalila Jile bola Kante rejide Kante bangala Eywe Mambo waba lumiana Eywe Tatu waba lumiana Mukuru kulwe Mukuru kulwe Mukuru kulwe Barnabé de Kipakalushi Mutoto Amanyema Câble ne se justifie pas. Snack de l'an 2000 chez Mayouyou. Coco Chanel, Nana va play. Aïcha Soumaré, la belle de Conakry. Ilunga Mwana Bouté wa Mutombo, Serge Kayembe. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr papa katambango te. Ayo beba kale, yo beba kale, yo beba kale, yo beba kale, amabe. Yo beba kale, yo beba kale, yebo yebo. Wana wenda kusumba liyabanga magamuchini ni baraje. Soli kisole kabakale biso. Hervé de Lille, la magie de l'ambiance. Adèle Mbouy, Marie-Sylvie. Elvis Otadende, Dede Abadede Armani, Chico Paul. Kama Kamuzuna, Sensei Mapuya Bufigo, Chicago Galaxy, hein? Léon Sichou, Thierry Versace, Singeti le Rakaba. Hugo Golondele Liwato pelo biko yo mon coco on lelangaye motema nangeza pompia bolingo neko kanga makate pinzoli nanga mpoeka ukalo valilo baselioko mabe oyo salinga nazwi yango neti sacrifice peut-être que mengolinga kana linga yo na zangisaki ndambo pe ata lempinga valeur sûre Omer Lubula nakosambala nani moto eza kotumba ngaye namoko napelisaki yango na inste ya pio matu yoboya nonga mbalakama nabondelaka yo kaka fotokopi ya souffrance eza oyo yesu na kuse original chemin de la croix eza oyo ponga nalingi yo nazovivre merveilleux congolaise bandela kosekisanga parlo moko d'amour bongongonga liwananga miekoma retardé ndoto nanga ta déjà kala esi ekomaki illusion etuma nanga ekotikala se conquête ya mona yo mpokolinga ya kobongwana koyina baninga bakosalaka komo pele mongo Petit Kis Kisombe, Pilipili Mandela, Papi Tombala, Ange Pongo, José Kassiam. Nazananga na problème tenyo soka kase yo. Kombo nangeza ya porto fungola eko fungola kanga. Eza na maboko mayo kokwesa yango te. Mokoro kolinga euro kopona na kozala ta disposition. Nyoso kolinga bututo moye kozala nango entoye. Mbala moko, entankaka. Godard Moutemona, de qui shalom qu'il fallait, camionnette Bola, Zenab Kamara. Ima ole bwe mamara lelisa ekumawa, moto azomaye bolingo boko ya tukwa, non assistance à personne à danger inkana yuke, eza punisable paimbula ramata yinkana. Gigi Mangwana, Odette Kigoma. Qui s'aime le vent d'amour qui libère le bakaïté récolte la tempête n'y yonga na luna qui est volé l'onna yako récolte botou toi pour moi na boye Didier Diadandila Rufo Moutanga Marigoteka Lelo na nimi bakura kanenge ba le bakaïté Mwana mokolo yoko li aligoro doye Ezate mokolo yoko bima ama kwanza yike ba mwana Alberto, Bibika Franck, président Maurice. Kaka, bolingo epesa ka esengo. Kaka yango yaka kokomisa moto malerie. DJ Eric Angouane, Sky Night Club à Bonn. Kaka, mabelo epesa ka nuna na mubango. Kaka yango yaka kolia nzoto ya moto mokwa. Suzanne Brigitte Lacamer, Olivier Bila. Kaka, loboko ekalisa kana tendresse. Kaka yango yaka lisusu koti ya moto linzaka e. Imobi du son. Mimi Dispe, Max Pongo Jazz. Kaka, bolingo epesaka elengingo. Kaka yango yaka lisusu kobota mawakoma. Namitunye. Sankai Club à Djobourg, Norbert Mwamba. Ma sœur. Yango bobimaka na libumwa mama na couleur à jus d'orange. Bobiso tonyo kwa mama. Tina lande mili kozalaka kaka boye. Vraiment. Hein? Ye foste bola pues carmania kandi ali dori. Lionel Bobianga GG photo juju mwanga ite. Yannick Olympic Banyu Jack Bana Comptoni Family. William Drechine Pilay. Papa Rengose Omela Ambouake. Toti Mouya Ege Toye Gérali Fonja Viviana Alea Chantali Kwa Jean-Marie Kassama Kovola Bonza Kaise Chadie Edou Kabeya Kopa Akabuya Sheila Simon Bongo Simeon Mayeto Cécile Chibola Bivisa Paradie Richard Kiangata Lokomedo et Glaparie Patrika Rosi Chico de Panama et Mapozo Kerere Gina Mwekata Mwekasson Modo Gobo Tekolo José Kongolo na Tipka Medardia Monika Anama Itidie Chantal Maveka Jean-Marie Mondele Adolo Makanda Michel Dike Ado Jazz Mimi Dispi, Germain Germando, Gastino Mangala, Tete Mabila Maïe, Bouboulion de la Gabea, Tembo Kutere, Yola Kanyeba, Thérèse de Tere Kissinjora, Nelly Moussei, Michonga, Michoko Tweke, Bola de Bundes, Selobams, Abalie, Filo, Wapiangako, Wapianga, Marte Massi Kilima, Lubomboka, Espechongo, Pati Omombo, Papicho, Mweka, Tonenzola, Alelu, Jessiki, Pabito, André, Kibingwe, Solange Mafuta, Verena. Kosamaki Yemei Kololumpema Ba compliqué binoté Schengen, Lovik Lutula. Y'a des idées, j'y ai ma sera. Ah, que monaya. Y'a des idées, j'y ai ma sera. Ah, que monaya. Maniti, matia, mouinda, la ya. Ah, que monaya. Tokoko, maranda, peba, kale. Ah, que monaya. Aston Villa. Ah. Roger Banqui. Ahmed Bakayoko, Nabijan. Yeah. ba quartier latin oh kuche ke bele biati la tende beta yungane oh kuve ka bele biati la tende sembla mata mae pupa mado zafira mula info mia ya mia mia mia wo mia mia onye pe mukono ni pe mikono ya kishoto ya kishoto mono kweza la kikobenga ngapato ile longa mabe Bienvenue mon Gondo. Beaucoup la Kamaï qui baloussa à Laurent Loreto de Londres. Ah, mon Dieu, qui en aurait mis ma face, prendre en gai, la zaye voyo salaye, osa obligé au talé langaye, on gai voyo sans toi, la za moto sans horizon, bateau ivre naviguant dans les eaux troubles. José Congolo Mibeko, Mbambo le bele basanze bele, et sa vie sanga na yo, nzoto nange la manango, préféré sa poso na yo, chaque été n'y a nzoto nangaye, et comme un banque à amour na yo, tabou fatou. Isabelle Kiesa, nono mwekatana Kobo yenge sa solution te Atana salima be Pardonne nga mea culpa E denga na lungwa na mbozo ba Eske lelo so kio tiki nga ipelo Biso kio yo kite parake Na zongi li ba meme bozo ba Eske sa soli tempo na yo moto salanga L'amour est un filtre merveilleux Qui ne laisse passer que les belles couleurs. Sokyo pesinga imbisi, nakolia mokolo moko. Sokyo tenga ikopepa, plus jamais la koku fanzala. Pesanga lelo itumbu ezalite ya pour toute la vie. Kasi sokyo kobo yanga yo, botolinga souffle ya vie pour toujours. Mon Christ, soki a salili soumou, soki a tout beli ma bena yo. Ganganza ma kolimbi sa ye, pe a kole sa ye ekaristie. Pourquoi yo lingi no ko sala, bongo te pa ina nga tabou fatou. Roger Bukana. Nga we yo kangi ma boko, lobi soki yo ki nga we. Tumbanga bongo putulu nanga otiana bile ya nye wuna yo. Na komo vivre on te ina ye, o komo linga nga atraveye. Na komo yo ka mongongo na yo Chaque fois so ke zo benga ye miaou miaou Mimi Ekuba Belinga Chantal Kazadi Africa Surprise Obo eba mama Bo mitika na mpoko wa papa Poto kota bina l'an 2000 esa aniko Nga na tuna yi Pardon na yo moutou ya nango vreme seza komia Esi kama otimi zala koyewe koma eka tombe Kolimbi sa mundi nga eski fa futa na pria bina ye Kadangezo pesa ma wakoleke ya moutou ya Kosovo Mpasi ya namo tabu fatu Sula se sula Nga na lela ye Bongo e komi osara neti olojo e zana reta De marche nange komi neti ya moutou ya zana rendez-vous Na simetia na mini na moutou ya kela kaliwai Apicho mwe katon, jo atabu fatu Dana lena leki Esi kalima eza kolomba lole mozanga kate koleka Esi kabato bazali sanga foti zanga kate kosalema Soki kolimbi sanezali temo kile kolimwe Pardone encore et toujours, tabu fatu Ibrahim Chako Nana tono Pourquoi kaka bato yato linga kawami Un jour bayaka kotia biso likula na motema Kasi auparavant bazwa kate soya kotia anesthesi Pasi ya namo Aninga ngwele Ayi Nana tuna ewe Baye totia kamitema un jour bako kunda biso Washito Soki toleli bangone bako pesa biso mouchwa Souvent le jour j'y bape sa kabiso mokomo Souvent malheur na biso bangone bazala kaba hauteur nango Mystère et amour Malbonneige ma bouquet Nana tuna yi Pourquoi kaka batu hier encore basa la kota la biso Blanc blanc Na regard ya tendresse loko la bato baso bouna na pongi Soudé regard na pango et tombi agressivité Pa komyo ta la biso nenge yuda ta la karabo Ba yi mi biso nenge musulma yi na hangou Mystère et amour Guy Floyd Papi Kuna Camila, Chantal Loana, Tony le grand Mokumbusu. Na perso ya momo, mamo wala kisa kinga bolingo. Sungo la miso yo tala sima, omo na denge bolingo ezo inga inga. Bobe bongese. Poto ya mwinda peli sabutu ya mona denge lilie zolanda. Bolingo partout partout. Abraham Matingu, BG Bilao. Bolingo Yvette Mopila. Don Pierrot. Na perso ya mama. Mama la kisa kinga bolingo. Songo la miso ya tala sima. Omo na denge bolingo. Zo yenga yenga. Poison Gorbachev. Yolo bakyo da kamele yo. Yolo bakyo da change kule. Mala kusa ni pembeni na yo. Kukozo kokozo langi nangate. Prema se koko mile. Serge Kassanda. Congolaise. Anna Lou, Boloko, Tina Bafola, Yaya Baleki. Jésus de Serre, Ya Marius Bayende, Patrick Diamona. Deka Diamona, femme d'affaires, restaurant chez Rokilo. Zame a bolingo royoka, kata trompette, lance a maï. Fête mobile, jeta sipina, mitiple baden, empoigne au solingi, olingi, Deo De Mutombo, Léon Mwanga, Rodolphe Ntumba. Bolingo ezaku. Duché du Luxembourg, Vincent de Paul Kipopo, Hubert Ibangani. Apo Menda, Firenze, le géant garçon de Londres. Eric Lucas. Richard Kabbala, Alain Prévu, Tania Smith, Nalandre, Mamita Dina, Miss Koulibaly, Fanny Kibina. Magali Bumba, Abou Foto, la 5 sur 5. de Castelbajac et même Bayo Jeki Manzala na Bruxelles. Alain Mafumba. Sala papa Kevin à Londres. Et Moussa à l'international de Londres. Sokolo, sokolo, sokola, sokolo. Ouais. Merveille le que tu as pété. Pepe à Kunji, tous les compteurs à zéro. Sokolo, sokola, sokolo. Nana Chabaye Tina la japonaise Hadosangi Mwinda Naberwana Yei Dosangi Bukari Ukulu Waseka Woyo Mwayene Isa Sanaina Mwongona Moko Ye Basoma Na Fibwa Mungu Stoy Gabin Chitea Yeyuma Sangile Sangile Sangile Sangile Mwoye Mwela Na Hollywood Ouais. Denise Kabedi, Solange Mafuta. Soise Zokere. Et Kenge Olivier le coq d'or. Bébé Didi Stone Like, ton papa est là. Bato na kotuna bako ebisa kangai. Nalanda kate, nalanda kate, nalanda kate. Malomba oya bato, o pepe yamvula o. Angai la vie na salaka na limemia. Anga na la vie, nalanda kama lomba mama o. Oh mama lombaka, nangai Antoine, zala boboto na baninga mbayo. Alobaka lisusu, mokileza ya nzambe. Mabele pona kateli, waya moto nyosoe. Na papa Didistone, alelanti na nini. Omo inano isiliteli, kambuanga na nani. Oeko si manzo tote, oeko si manzo tote, roki azali. Nanyala kisangai malamu na mambe. Pona koma kobanga na ya kokufa. Nazala tuto ma vie kompri. Mampata nzambe libota nanga oyo ya Yezu. Yo bilanga toujours okozala kana besoin na ngai mvula. Ale sote ngadi kamoti mama. Bye. bakaka yango makala te oh magali te te popol mukelenge Makela, l'ange de Mugler. Movisant.

C'est le grand mot parle, yeah. Plein, plein, plein, plein, toujours plein. Que tout le monde lève la main. Quand l'esprit a mis des baffes, les papas top. Et pas si en gêne avec le hip hop. Toujours au top, non-stop, yeah. Dans la ouais. Ça glisse comme une Primus ou une Heineken. Comme le vin, j'ai une palle et je bois à la tienne. On est de coq, bicyclette et toutes les poules s'amènent. Qu'elle crie quand on est sur scène. Célèbre comme le Mafé ou le Tchéboudjen. Doux comme le Pondou, le Foutou, une bonne sauce graine. On sème l'amour, la joie, la fête et la peine. Les mettre sur le terrain dans ce grand chelem. African Kings, African Kings, yeah, yeah, yeah. Maître du terrain, le hip hop est son cousin. Ouais. Partout ça trouve Nakatiakin. Le lion qui montre les dents, c'est pour faire couler ton sang. À qui te cache qu'il te hait, cache lui que tu le sais. Ouais. Motenayo au Congo, on stoppe les guerres tribales. Bondir au Cap Vert et Nangalef au Sénégal. Pédi au Mali, Mbolo au Gabon et on s'installe. À Douala et Mané, ça vous fait aux Antilles Timal. Hola, Kebola, Kuba, Centro, Havana. Hello, South Africa, Nigeria, Bénin, Togo, Rwanda. On est aussi connu que le Paris-Dakar. C'est Kofi et Passy, ça se passe dans tous les bars. African Kings, African Kings, yeah, yeah, yeah. African Kings, African Kings. Ce qu'on fait, c'est foutre le feu sur rythme fun. Pour les femmes et les cums, les vieux briscales et les jeunes. Ce soir, on fout le feu sur rythme fun. Faut que les caves, les vieux, les jeunes kiffent notre sur la vie de ma. African Kings, yeah, yeah, African Kings, African Kings. On vous l'a dit, c'est une bascule totale. Les maîtres sur le terrain, le grand Mopao, l'altesse passive, Usopp, Bissona Bisso. African Kings, African Kings, yeah, yeah, yeah. African Kings, African Kings, African. African Kings, Oda Kazaroso, Ezo Botan, Elangava Cactus. na boyo tike na maboko ba skiver, na boyo tike na maboko ba fossoyeur, na boyo tike na maboko ba apprenti Boudak. Willy Tembela, Tembela Far West. Soki bo insiste bo kabolanga na bodaye, soki bo insiste bo ekorte vina ayo. Premier mana komo keno lela kana victoire, deuxième mana komo la takase noir noir. Soki ako panza makolongulu bina mako pasuka, et puis un jour soki na yanga kokufa. Boko mwana na komo sala kaba miracle, Jean-Claude Massini. Na koko mo bimela kaba to malinga nye, na komo panza kama bala ya bambuwe, mpona mudake. Komba Masiki nye. Yarita, Ruben. Olé, olé. Bernie et Paola, allez à l'école, tout le monde à l'école. Il n'y aura des cadeaux que pour ceux qui vont bien travailler. Papa Top chante pour les enfants, toutes les filles et tous les garçons. Olé, olé, olé, olé, oh là là, oh là, oh là. Au barbecue, papa sucre apporte la joie à la piscine aussi. Olé, olé, olé, olé, oh là là, oh là, oh là. Leslie, où est Dan Chaco? Miss Vesquez, Miché, où est Elton? Olé, olé, olé, oh là là, oh là, oh là. Stallone, as-tu vu Curtis? As-tu vu Hussein? Olé, olé. Déborah, Porto, Sharon, Yamari-Louise, Volumbu, Falcon, Latoya. Les petits, les grands enfants, Chachoa, la queue, le, à l'école, tous en chantant, un font plus que deux. Papa Top vous le demande, tous les enfants, toujours à l'école, bien travailler. Ah, Ditton, je vois que tu es d'accord. Diama Bonheur, Kevin Keke, Mimi, Cédric, Eric Alain, olé, Rubin et Diego. Olé, oh là là, oh là, oh là. Oui. Ah. Ouais. Ah. Allez, allez, allez les enfants, on y va. Tout le monde, tout le monde. Personne ne reste assis. Olé, olé. Et bien entendu, les mamans pouvaient danser avec les enfants, c'est pas interdit. Oh là là, olé olé. Les papas, vous voulez quoi, déjà rentrer? Non, laissez les enfants s'amuser encore un peu. Les filles, invitez vos papas à danser. Un petit ndombolo, le ndombolo cool. Olé, olé. Pépa, papa miel, pour vous, les filles, pour vous, les garçons. Ouais. Un, deux, trois, feu. Dans mon bafou Neves. Zozo de Kiki. Martine Bouyela. Jean-Paul Walter. Levé, levé, soulevé, soulevé. Un moine Apachito. Tiffany Jolie. Pipi Lingonda. Ako Kassa. Zinga Kimba. Alema Fumana Klepen. Manolo Vaca, hein. Tandé, Nanganda AGB. Allez vous vous, trésor Chango de Napoli, Lipema, Bruno Bellico. C'est le Tupé, Apollo de Versace. Hervé, Céline, Suzerland, Berna, Bernia, Hervé. Fosteva Cotele, Montana, Kabumba, Ibizu, Kikera, Cero Bams.